que j'ai mis sur le background de mon iPad. Il l'avait montré, je pense, dans une des premières prédications qu'il a fait sur les béatitudes. Ça dit, c'est Jésus qui parle à un jeune homme qui dit, non, non, je te parle pas de Twitter, je veux vraiment que tu me suives. C'est ça. Quand on veut suivre aujourd'hui, tu payes un petit piton, puis tu suis, puis tu reçois toutes sortes de niaiseries, puis des choses intéressantes. Ça va bien? Oui. Oui? Le sujet ce matin, ben, on est toujours dans les béatitudes, hein? Et puis le sujet ce matin, c'est la paix. Donc, je vais essayer de rester simple. Le verset il est simple, il est court. Il dit « Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. » Donc, on trouve ça dans Matthieu 5, bien sûr, le verset 9. On entend en ce moment dans les journaux, on lit dans les journaux, ouais, on n'entend pas trop dans les journaux, on lit dans les journaux, on entend à la radio, à la télé, la Libye, le protocole de Kyoto, l'Afghanistan, le Maroc, l'Égypte, le Congo, la Russie, tous des centres, tous des endroits où il y a la paix. De très grande paix. Oui, maintenu d'une manière un peu bizarre, effectivement. On entend ici plus localement le Parti québécois, les libéraux, la loi sur les jeunes contrevenants, le procès des Chafianes, la corruption dans la construction, dans le gouvernement, dans tous les paliers de gouvernement, la pauvreté, l'écart entre les riches et les pauvres, 10 fois. Ça vient de sortir. Tout ça nous parle, bien sûr, de paix. Mais une bizarre de paix. On cherche la paix. Donc, ce que je désire ce matin, c'est nous aider à mieux comprendre ce que veut dire être des ouvriers de paix, faire la paix. Je veux nous inciter à des micro-actions de paix ou des macros, si on se sent capable. Et nous stimuler à devenir des fils et des filles de Dieu. C'est correct, ça? Ça va comme objectif? Je ne sais pas, je vais l'atteindre, vous me le direz après. Avant, j'aimerais compris. Seigneur, je veux premièrement te louer, te dire merci. Merci pour la musique, merci pour la louange, l'adoration. Merci pour l'équipe qui s'est présentée ce matin. Les bras grands ouverts pour te servir. Merci parce que j'ai pu expérimenter ta présence. Seigneur, je te demande de nous bénir tous, de nous apprendre la paix, de nous apprendre ce que c'est que de vivre tout près de toi, collé à toi, en paix. Donne-nous ta paix. Je ne vais pas repasser à travers la raison des béatitudes, mais juste un petit petite clarification. Ben pas clarification, mais juste un récapitulatif. Ça se dit-tu, ça? Hein? Maintenant, oui. C'est ça que je viens de le dire. Donc, les béatitudes ne sont pas là pour expliquer ou donner, dire, ben ça, c'est des dons qui ont été faits à l'Église ou à certaines personnes, certains individus. Les béatitudes, Jésus ne nous donne pas les béatitudes dans un but de dire « voici quelque chose que vous devriez faire ou pas » ou « ben il y en a qui vont l'avoir puis d'autres qui ne l'auront pas puis ça ne dérange pas ». Non, les béatitudes sont là pour nous enseigner sur le caractère que Dieu désire de chacun d'entre nous. Donc, tout le long là, des dernières semaines, ce qu'on essayait d'apprendre, c'est ce que Dieu aime voir en nous, le caractère qu'il aime voir de nous. Est-ce que l'absence de guerre signifie la paix? Certainement que non. Dans plein de situations, on pense à paix, hein, on appelle ça la paix relative, et relative à plein de choses. Au Canada, on vit dans une certaine paix, on est tranquille, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Donc, on a une paix relative. Et c'est pas simple de vouloir parler de la paix parce qu'on a toute cette notion-là en arrière de « on est en paix, c'est tranquille ». La paix, souvent, elle est brisée par le changement. Et les plus grands réfractaires au changement sont ceux qui veulent garder la paix. Je suis en paix de même, là, laisse-moi tranquille, tu sais. Je veux pas que ça change, tu sais. Faut surtout pas que ça change. Comme ça, je suis en paix. C'est pas forcément la vraie paix, mais au moins, tu sais, hein, ça, on essaye de ne pas y toucher. Depuis que je suis chrétien, j'ai vu plusieurs manières de faire. Dans les années précédentes, dans les églises, il y avait comme deux réunions très importantes à l'église. Hein? Il y avait le dimanche matin, puis il y avait le mercredi soir. Puis pendant des années, c'était comme ça dans le monde chrétien. Même à la faculté de théologie, hein, il n'y avait pas de cours le mercredi soir. C'était comme ça l'horaire, il n'y avait pas de cours le mercredi soir parce que les chrétiens se rassemblaient le mercredi soir. T'sais. Donc, on ne donnait pas de cours. C'était lundi soir, mardi soir et jeudi soir. Parfois le vendredi. Et ce qu'on faisait dans ces réunions du mercredi, c'est qu'on discutait la prédication du dimanche matin. Souvent. Il y avait plein d'autres choses qui pouvaient se faire. On lit un livre, il y a toutes sortes de choses. Mais souvent, on discutait la discussion du dimanche matin. La discussion, la prédication du dimanche matin. Moi, j'ai fait l'inverse cette semaine. Au groupe, vendredi, j'ai dit au groupe, on va discuter sur ma prédication de dimanche prochain. Donc, je leur ai posé la question. On a lu le texte. Puis, on s'est posé la question ensemble, c'est quoi la paix? Ça veut dire quoi, la paix? Il faut savoir que le texte en grec, puis là, moi, j'ai pas pris de cours de grec, hein, fait que c'est les commentaires qui le disent. Donc, le texte en grec, c'est un verbe. Puis là, Lynn, elle m'a dit que c'était un verbe d'action. C'est où est-ce qu'elle est, Lynn, là-dessus? Elle parlait de verbe d'état puis d'action, puis moi puis le français, on n'est vraiment pas de chambre ensemble. Fait que je n'avais pas trop de compréhension. Mais j'ai compris quelque chose dans le genre, si je marche, c'est un verbe d'action, et si je suis, c'est un verbe d'état. C'est ça, c'est à peu près ça? J'ai tout compris? OK. Fait que le verbe qui est là, c'est un verbe d'action. C'est quelque chose qui se fait. Je fais la paix. C'est ça qui est écrit. OK? Heureux ceux qui font la paix. Et ça fait toute une différence parce que ce n'est pas heureux ceux qui sont en paix. C'est ceux qui la font. Et il y a toutes sortes de manières de faire ça. Colossiens nous dit, c'est parce qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Dieu a voulu réconcilier tout l'univers avec lui-même, en faisant quoi? En nous donnant, en instaurant la paix par Jésus-Christ. Et cette paix-là, on l'accueille et on peut la recevoir par Christ. Mais comment est-ce que Dieu voudrait réconcilier par la paix? Qu'est-ce qu'il veut réconcilier? Comment on réconcilie l'univers entier? La Genèse nous montre quatre endroits où on a brisé nos relations. La première, on a brisé dans le jardin d'Éden, on a brisé notre relation avec Dieu. J'ai eu peur de toi, alors qu'avant, tu étais mon ami. Là, j'ai eu peur de toi, dit Adam. On a brisé notre relation avec l'autre. C'est pas moi, c'est elle que tu m'as donné, by the way. On a brisé notre relation avec l'autre en voulant me protéger, peu importe, en me justifiant. C'est pas moi, c'est elle. On a brisé notre relation avec nous-mêmes. J'ai eu honte, je me suis caché. J'étais plus capable de me regarder. J'avais honte. J'étais pas capable de marcher sans penser à l'état dans lequel j'étais. Et on a brisé notre relation avec l'environnement, la création. Maintenant, tu devras travailler à la sueur de ton front pour en tirer le fruit. Ça va être difficile. Tu vas rusher. 4 niveaux de relations brisées. Et Christ, à la croix, vient réconcilier tout ça. Mais comment est-ce qu'il peut réconcilier? À travers un geste qui, j'imagine, pour les Romains, hein, c'est quelque chose qu'ils voyaient là, régulièrement. Là. Il y a eu plus de 1800 personnes qui se sont faites crucifier. Hein, donc, c'était le show de la semaine. Là, t'sais. On n'allait pas au cinéma, on allait à la crucifixion. C'était ça. T'sais. C'est pas, Jésus n'était pas une exception. Là. Il n'a pas passé à travers quelque chose. Ce qui était d'exceptionnel dans la crucifixion de Christ, c'est dans le fait qu'il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait pour mériter ça. C'est ce qui était exceptionnel. Les autres, les Romains crucifiaient les bandits. Tu sais, ils ne les mettaient pas en prison. Les plus dangereux de la société, ils les mettaient sur la croix. C'est ce qui était d'exceptionnel. Mais le geste comme tel était banal pour eux. Ça fait dur à dire, hein? Tu sais, c'est terriblement violent, là, que je viens de dire. Un geste aussi violent qui est banalisé parce qu'on en a vu et vu et revu et revu et revu. Mais par ce geste à la croix, il réconcilie l'univers entier. Il nous réconcilie avec Dieu. Il me donne une meilleure estime de moi. Il me donne de l'amour pour les autres et de l'acceptation. Et il me permet d'être fonctionnel dans mon environnement. Comment? Paul nous dit, ne vous mettez pas en souci. Il n'y a pas de pas là, dans mon texte. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Il dit, énerve-toi pas. Reste cool. T'en fais pas. Prie. C'est facile à dire. Hein, Jackie, il a écouté ton conseil, il est parti. Mais avant, il est venu me voir et puis il m'a demandé de prier pour lui parce qu'il vient juste de perdre son emploi. Mais il est en paix. Il dit, c'est correct, c'est pas de mauvaise nouvelle. De toute manière, ça commençait à me taper ses nerfs. Puis c'est correct. Puis je suis pas trop le genre à rester chez moi, je vais me trouver autre chose. Mais ça faisait 3 ans qu'il travaillait là. Et là, son poste a été coupé. Et juste avant Noël, c'est pas une bonne nouvelle de perdre son emploi. Ça peut être terriblement stressant de perdre son emploi. Ça l'est stressant tout le temps. Avant Noël, il me semble, c'est vraiment la pire des situations pour moi. Il ne s'inquiète pas. Il dit, prie pour moi et Dieu va me donner un job. Et ça, c'est un état de paix, pas d'insouciance, de paix. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. ne te mets pas en souci. Il y a un train qui vient d'arriver. Ouais, on va prendre une pause. On va vous donner des chaises au moins. Bienvenue. Donc, Philippiens nous dit, ne vous mettez pas en souci, énerve-toi pas, relax. Les Français disent, reste zen, calme-toi. Hein? En anglais, stand still, c'est ça? Hein? Relax. Fais confiance à Dieu. Remets-lui tes soucis. Et la paix qui surpasse toute chose va garder ton cœur et tes pensées sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors Dieu, le Dieu qui donne la paix, sera avec vous. Encore le mot paix. Heureux ceux qui procurent la paix, qui font la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Paix. C'est sûr que quand on parle de paix, on entend le mot, la plupart d'entre nous, on est habitué d'entendre le mot hébreu « shalom ». Le mot grec, c'est « irénée ». Paix. Mais « shalom » a une signification profonde, qui est plus que juste paix. Si je rencontre un juif qui me souhaite, qui me dit « shalom », c'est un mode de salutation, comme un musulman va dire « salam alaikum ». Le juif va dire « shalom », puis moi je dis « salut ». Hein? C'est la même affaire. Okay? Ça n'a pas plus de, comme je vais dire, « allô, comment ça va? » Bien, des fois, le « comment ça va », je ne veux pas le savoir, c'est juste une formule de politesse. Okay. Puis c'est comme ça, hein? Puis là, des fois, on reste surpris parce que la personne nous dit vraiment comment ça va, puis là, on n'est pas prêt. Hein? Ça m'arrive des fois de dire ça va pas très bien. T'sais. Là, la personne, OK, ben regarde, ça va être correct. Hein? On n'a pas. Shalom, c'est la même affaire. Hein? Je souhaite la paix, mais c'est pas. Et c'est une paix qui prend toute la place. Le shalom, c'est la paix qui surpasse toute chose. Une absence de conflit avec un sentiment profond de repos. Je n'ai pas de conflit intérieur et j'ai un sentiment de repos. Hein? Je relaxe. Je suis bien. Je suis en paix et je me suis réconcilié avec Dieu. J'ai un sentiment de repos. C'est le mot décrit aussi l'état de béatitude de quelqu'un ou d'une communauté. L'idée de complétude, de prospérité, d'harmonie et sens de l'accomplissement. Ça signifie littéralement être bien physiquement. Je me suis réconcilié avec moi. Je suis bien. Shalom veut dire poursuivre un état d'harmonie. Le rétablissement des relations interpersonnelles. Une éthique globale. Shalom a cette signification-là aussi. En mettant l'emphase sur une éthique et une spiritualité profonde, je me suis réconcilié avec les autres. Il ne faut pas oublier l'aspect eschatologique. L'eschatologie veut dire le temps de la fin, ce qui vient à la fin. Et l'eschatologie, le temps de la fin a commencé au moment où Christ est monté aux cieux. Il a commencé là. on espère sa venue, nous sommes dans les temps eschatologiques. Et Shalom, c'est Jésus, le prince de paix, qui réconcilie toutes choses avec lui. Qui réconcilie toutes choses, qui me réconcilie avec la création. La Shalom, c'est tout ça. Quelqu'un qui expérimente la paix dans tout ce qu'il vit. Une des choses qui est sortie vendredi, qui était fort, c'est pour pouvoir faire la paix, il faut déjà la vivre. Il faut être là, en paix. Il faut l'avoir expérimenté, savoir ce que c'est. Puis là, ben, on est parti sur un délire de comment est-ce qu'on était tous en paix et comment est-ce qu'on vivait la paix. Mais ce n'était pas un délire, c'était génial. J'aimais ça, entendre comment on était en paix, comment on vivait la paix, comment on était capable de s'exprimer ensemble en paix. Mais quel genre de paix on veut faire? Stott appelle, il donne deux genres de paix. Il y a la « cheap peace », j'arrivais vraiment pas à traduire ça, là. Oui, c'est bon ça. On va prendre ça. La paix à rabais, mais cheap, vraiment rabais. Là. Tu sais, là, c'est vente de garage. Là. C'est même pas un magasin de pièces. Là, tu sais. Okay. C'est vraiment vente de feu. Là. Tu sais, là, la cheap peace. C'est quoi? La cheap peace, c'est « je ne peux pas y pardonner, il ne m'a pas demandé pardon. » C'est ça que Jésus nous a enseigné, tu sais. Tu pardonnes quand on te demande pardon. Hein? C'est sûr, c'est ça. C'est ça qu'il a dit? Oui, Daniel? Moi, je dirais que c'est une paix de surface. Aussi. Hein? C'est ce qu'on cherche souvent, mais tu sais, ça, c'est une chose avec les jeunes. Moi, je travaille avec les jeunes beaucoup, là, hein, en bas, et puis... hier, j'ai fini à minuit une réunion pour les ralliements qu'on fait et tout ça. Puis on parlait de ça. Puis c'est une des choses là, qu'on a le plus, c'est il n'y a pas de danger que j'y pardonne, il n'est pas venu me demander pardon. Pourquoi j'aurais fait ça? Je ne peux pas l'excuser, il ne s'est pas excusé. Hein? Ça, c'est du cheapy. C'est quoi du cheapy? C'est ça ne me coûte rien. Je le pardonne parce qu'il me le demande. Ou bien, bon, ça ne change pas grand-chose en bout de ligne. T'sais. Il n'y a aucun coût attaché au pardon. Et c'est difficile à dire. Ce serait le fun si tu pouvais leur mettre le pardon. Tu veux-tu? S'il te plaît? Elle me cherche un matin. Donc, le mot pardon dans notre société... Il n'y a pas de place, ou bien non, il est pauvre. Il ne coûte rien. Si je pardonne, c'est parce que ça ne me coûte rien. Sinon, je ne pardonne pas. S'il y a un coût attaché à ça, je ne pardonnerai certainement pas. J'y ai fait mal. J'y ai fait du tort. Je l'ai piqué, je l'ai poignardé dans le dos. J'y ai parlé dans le dos. J'ai pas été fin, je l'ai volé, je l'ai frappé. Pourquoi est-ce qu'elle me pardonnerait? Pourquoi est-ce qu'il me pardonnerait? Pourquoi est-ce que je pardonnerais des actions comme ça? C'est totalement impossible à faire dans notre société. Alors que la paix que Christ procure est une paix qui coûte quelque chose. La paix qui nous invite à faire, le fabricant de paix, celui qui fait la paix, il y a un coût rattaché à cette paix-là. Il y a un sacrifice qui vient avec. Christ est mort sur la croix pour nous procurer cette paix-là, pour nous la donner, nous y donner un accès. Oh, oui. Romains, autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Dans la mesure du possible, c'est sûr que quand tu vis dans un pays en guerre, hein, vivre en paix, quand c'est quelqu'un d'autre qui te court après, ou c'est compliqué. Tu sais, ça ne dépend pas de toi. Dans la mesure du possible, si ça dépend de toi, vis en paix avec tout le monde. Parce qu'il est écrit. C'est à moi qu'appartient de faire la justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ça doit faire mal. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. On ne fait pas la paix avec un gun. On ne fait pas la paix avec des menaces. On ne pardonne pas parce qu'il m'a demandé pardon. Jésus, dans notre Père qui nous enseigne à prier, dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. » C'est gros, j'y pense à toutes les fois que je fais cette prière-là. Nicolas nous la rappelle toutes les fois qu'il vient. Il prie de notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Je veux-tu vraiment dire ça? Parce que des fois, je ne suis pas très rapide à pardonner. C'est pas simple. Et le pardon coûte quelque chose. Mais ce que ça amène, c'est la paix. Cette paix globale. En 1979, deux jeunes de 15 ans revenaient de Terre des Hommes. Ils marchaient sur le pont Jacques-Cartier. Et deux hommes les ont vus, les ont pris et les ont fait des affaires qui sont innommables, on ne peut pas les dire. Il les a pris puis les a balancés par-dessus le pont. On les a trouvés quelques jours plus tard, on a trouvé les hommes. Il y a des écureuils en arrière. Donc, ils ont trouvé les hommes. C'est le micro. Correct, c'est bon. Et puis, forcément, ils les ont mis en prison et tout ça. Et il y a un film qui a été tourné qui s'appelle Le Pardon. Et, c'est quoi son nom? Le négociateur. C'est ça. Claude Poirier commente le début du film. Au début du film, il donne les détails de la bêtise humaine qui s'est passée là. Et je vous épargne les détails, c'est horrible, qu'est-ce qu'il raconte. Mais il y a une chose qu'il dit, c'est impardonnable ce qu'ils ont fait. C'est impardonnable ce qu'ils ont fait. Personne ne peut pardonner un crime aussi odieux, aussi démentiel que ça. Mais croyez-le ou non, les parents, les jeunes qui se sont fait massacrer la jeune fille, sont allés en prison et ont pardonné le massacre de leur fille. Et la société n'est pas capable d'entendre ça. Ils ne peuvent pas. C'est impossible. Quand, moi puis les noms, l'impresario de Nathalie Simard, c'est ça. Quand Guy Cloutier est sorti de prison, le monde a tout capoté. Comment ça qu'il sort de prison si vite? Mais ça, c'est notre manière, c'est notre système de loi qui est fait comme ça. Il a payé son dû à la société pour le mal qu'il a fait, mais son dû à la société va le payer pour le reste de sa vie parce qu'on ne le pardonnera jamais de ça. Puis il n'y a plus de place au Québec, ce gars-là. Zéro. C'est grave ce qu'il a fait. C'est mal. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne suis pas en train de l'excuser. Je suis en train de dire que... Nous, on pense, souvent, notre société pense que le pardon, c'est d'acquiescer, de dire « c'est pas grave ». Non, c'est pas vrai. Le pardon n'a rien à voir avec ça. Le pardon, c'est me libérer, moi, des fautes que l'autre a fait sur moi. Ça me libère. Et ça me donne quoi? la paix. Faire la paix, c'est ça aussi. Pardonner, réconcilier. On ne peut pas dissocier les deux. Le pardon et la réconciliation vont ensemble. La paix est un fait de la réconciliation. Ils seront appelés fils de Dieu. Dans le grec, il y a deux mots pour fils de. Faut que je les lise, là, parce que... Il y a tekon, technon, et... Wow! Huios. Technon et huios, c'est des autres mots en français qui sont durs à prononcer. Ils sont en grec, ceux-là. Technon et huios. Technon veut dire fils de. Michael est le fils de Daniel. C'est technon. OK? Maintenant, si Michael agit comme Daniel, on va dire huios. On reconnaît dans les actions son père. J'agis comme mon père. Et quand j'agis, on dit l'arbre est pas le fruit n'est pas tombé très loin de l'arbre. Hein? Et là, c'est soit positif ou négatif, dépendamment de l'action ou du caractère de la personne, hein, du père. Fils de, dans ce cas-ci, c'est huios, agir comme. C'est pas fils dans le sens d'adoption, dans le sens de c'est mon enfant. Thierry est mon fils. Il ne peut rien faire contre ça. C'est pas de sa faute. vous pouvez prier pour lui. Il n'y a pas un père facile, mais Thierry, c'est mon fils. Ça, c'est comme ça. Maintenant, Thierry n'est pas obligé de faire ce que je fais. Et s'il voit en moi des choses bonnes, il peut les reproduire, j'espère. Et les moins bonnes, être capable de ne pas les faire. Et si on agit comme notre Père, et faire la paix est une action de Dieu. Elle vient directement de Dieu. Ça fait partie de son caractère. Ça fait partie de lui. C'est un Dieu de paix et il fait la paix. Et si nous faisons la paix, nous agissons comme lui. Et il nous reconnaîtra comme ses fils. Parce que nous agissons comme lui. Celui qui fait la paix va être heureux. C'est ça que dit la béatitude. Heureux celui qui fait la paix. Ceux et celles qui font la paix. C'est juste une formule très simple de bonheur. Maintenant, en application, c'est autre chose. On n'est pas heureux parce qu'on est appelé fils de Dieu. On est heureux parce qu'on fait la paix. Et parce qu'on fait la paix, Dieu va nous reconnaître pour ses fils et filles. Il va voir en nous ce qu'on est de lui, parce qu'on l'imite. Et Jacques disait toujours, on veut apprendre de Jésus à imiter Dieu. Ça? Oui. Ouais. On veut apprendre de Jésus à imiter Dieu. On veut faire la paix. Le bonheur vient directement du sentiment de paix, du shalom. Le bonheur ne vient pas du fait que nous sommes appelés fils de Dieu. Être fils, c'est un état. Faire comme, c'est faire la paix. Je vais terminer avec un texte. Je vais vous lire un court texte qu'un ami a écrit. C'est un journaliste qui travaille pour l'itinéraire. Il travaille à l'itinéraire. Il est dans un programme là, avec le gouvernement. Là, puis il travaille. C'est ça? C'est ça. Vous irez le voir, là, c'est le grisonnant en arrière. Donc, vous lui demanderez ce qu'il fait. puis il a écrit un texte. Qui m'a envoyé, puis je trouvais que ça faisait du sens pour faire la paix. C'est des micro-actions de paix. Et je termine avec ça. J'y avais demandé en passant, hein, pour ceux qui se posent la question. Le texte s'intitule « Typer misère ». Il va être dans un des itinéraires là, qui vont venir, là, le prochain ou l'autre. Achetez-les, vous verrez. À 16 ans, ma première dépression bipolaire a fait de moi un aidant naturel non diplômé. Super hyper sensible. J'obtenais confiance et confidence de la part des autres. Telle une antenne parabolique, je captais leurs signaux de désespoir. En paternant ces personnes, j'empêchais leur suicide. Je devenais donc, par défaut, le paternel de substitution, leur petit père attentif à leur misère. Leur petit père misère, quoi. Les suicides de deux de mes amis proches, dont le premier, qui à l'âge de 20 ans se tira une balle dans la tête, et le second, mon oncle, qui se jeta du haut d'une falaise pour se noyer 30 pieds plus bas, m'ont fait comprendre qu'il faut frapper vite et fort lorsque l'on veut venir en aide. Ce n'est pas le temps de mettre des gants blancs et faire dans la dentelle. Il est impératif que je sorte mes gants de boxe car la vie est en danger de mort. Par exemple, il y a 8 ans, j'ai dû intervenir d'urgence dans la vie d'un ami. Depuis des semaines, il démontrait des signes de détresse psychologique. Il croyait que personne ne l'aimait. Il en voulait à la terre entière de ne rien faire pour lui venir en aide. Il n'arrivait pas à pardonner à cet actionnaire, ce qui lui aurait facilité une réconciliation avec lui-même. Ses blessures le faisaient souffrir, l'enfermant dans les ténèbres de sa propre autodestruction. C'est ainsi qu'il piquait sans cesse du nez. Je ne pouvais que l'observer mourir un peu plus à chacune de nos rencontres. Être là pour lui devenait donc de plus en plus pénible. Cependant, les années m'ont enseigné que les gens dépressifs perçoivent leurs problèmes plus gros qu'ils ne le sont en réalité. Leur état mental provoque chez eux une incapacité à résoudre des problèmes, ce qui atteint leur estime de soi. Pour l'aider, je devais lui mettre le nez dans sa propre merde, le confrontant à sa propre haine et à ses propres et à tous ses feelings perturbants. En autorisant tout cela, il ne se sentait pas jugé et rejeté par moi. Par expérience, je savais qu'en exprimant intensément son chaos émotif, il finirait par s'en libérer. C'est à mon grand plaisir qu'il réussit à le faire par lui-même. De plus, son calvaire ne fut pas inutile. Il sait maintenant et pour toujours que l'amour ne doit pas être un devoir ou une obligation, mais un choix. Malheureusement, tous n'ont pas voulu comprendre la leçon de vie qu'a reçue mon ami. Ces orgueilleux aux préjugés nuisibles excluront toujours ceux qui veulent mourir, car trop essoufflés de s'enfoncer. Ils paraissent sans peur et sans reproche, traitant les déprimés comme des losers et des parasites, mais en réalité, ils ont peur de leur propre tourment. Il est hors de question que cette bande de winners expose leur vulnérabilité devant les autres. C'est chose impossible et trop humiliante pour ces individus s'affichant comme parfaits. Voici un exemple duquel j'ai été témoin, démontrant le manque d'humanité et de sensibilité de ces ignorants. Lorsque le métro s'arrêta subitement, un passager dit à quelqu'un près de lui, « Il aurait pu trouver un autre moment pour se suicider. » Devant la scène, j'en ai déduit que la personne qui se meurt sur les rails du métro est accusée de ralentir le service. C'est à ce moment précis qu'une folle envie de pitcher ce con du haut du pont me traversa l'esprit. À mon avis, ça va être coupé au montage. C'est la version pure, celle-là. Même si les préjugés banalisent le suicide, la souffrance demeure une des plus bénéfiques écoles de la vie, augmentant notre propre sagesse. Même s'il arrive que notre présent soit douloureux à vivre, il n'est pas prometteur d'un futur meublé de malheur et de tristesse. Après tout, le soleil brille pour tout le monde. L'intrigue, la médisance, la calomnie sont source de conflit. L'authenticité et la vérité apportent la réconciliation et la paix. Soyons des ouvriers de paix.